Déjà, il faut rester assis comme ça en train de regarder le prof parler dans le vide en fait, parce que moi j'écoute pas. Je m'en fiche un peu hein, de ce qu'il dit. Bon, déjà, en plus, il y a ça, hein, mais en plus, déjà, tu dois aller quand tu veux aller aux toilettes, quand tu veux manger, quand tu veux aller boire, quand tu. Toutes ces choses-là, tu vois, que normalement tu ferais normalement, tu dois leur demander. C'est quand même enfin, c'est quand même une atteinte à la liberté. C'est quand même. Y a quand même un souci là. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'air, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je constate que ce sont les étudiants, les personnes qui travaillent, les personnes qui doivent se déplacer, les nafteurs, qui vont être les premières victimes de cette grève. Je constate aussi que cela aura potentiellement des dégâts sur le plan économique. Ça me paraît anormal de lancer une grève quand une négociation est toujours en cours entre les représentants syndicaux d'une part et les représentants de la SNCB d'autre part. Donc, je lance un appel à la responsabilité, je lance un appel à être rationnel. Je regrette ce choix qui est fait de démarrer une grève d'une telle ampleur. Bonsoir. Bonsoir. C'est le plan de restructuration de la SNCB qui est au cœur du conflit. Oui, Michel, ce qui est visé, c'est ce qu'on appelle le plan stratégique. Vous avez dit restructuration, c'est vrai, c'est un plan pour faire des économies, mais le gouvernement et Jacqueline Galland appellent ça un plan stratégique. Pour que vous compreniez bien, il y a trois exemples. Tout d'abord, au niveau du personnel. Pour l'instant, il y a, à la SNCB, 32 684 personnes qui travaillent. Dans 8 ans, non, dans 5 ans, d'ici 2020, il y aura 10 000 personnes qui vont partir à la retraite, à la pension, et le plan prévoit de n'engager que 4 000 personnes. Ça veut dire qu'il va y avoir un déficit, effectivement, de 6 000 personnes. D'ici 2020, il ne devrait y avoir que, entre guillemets, 26 000 personnes qui travaillent à la SNCB pour accomplir les tâches qui sont accomplies aujourd'hui. Autre exemple, pour l'instant, tous ces gens, eh bien, sont gérés par une société qui s'appelle HRI, qui gère les ressources humaines et qui gère le personnel à la fois de la SNCB, mais aussi d'Infrabel, la société qui gère le réseau. Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont le même statut. Si cette société demain disparaît comme le prévoit le plan stratégique, il y aurait, selon les syndicats, un problème dans le statut qui pourrait être différent en fonction de là où on travaille. Troisième et dernier exemple, Michel, c'est un mot un petit peu barbare, c'est un plan qui s'appelle One Man Car. C'est assez simple, en fait. Pour l'instant, dans un train, il y a toujours un conducteur et un ou plusieurs accompagnateurs. Eh bien, ce projet prévoirait de supprimer le ou les accompagnateurs dans certaines zones rurales sur des plus petites lignes, ce qui économiserait de l'argent, mais ce qui poserait aussi, selon les syndicats, Michel, des problèmes de sécurité. Merci à vous, Mathieu, pour ces explications sur ce plan stratégique. Bonjour. On est perdu, on croit plus rien. Même les vieux, ils ont capté qu'en fait, notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment. Que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, ça reste plutôt à droite. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Et elle dit qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, construisez vos piscines en fermant toutes nos usines, mais putain faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau, mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Même les les enfants dans les écoles demandent qu'à croire cette histoire, que si au pays des barbus, il y en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Allez, juste un petit effort, on vous demande pas grand-chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'ailleurs. On n'a pas l'intention de laisser notre nom dans l'histoire. On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards. Et c'est sûrement ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, eh ben... En fait, on est évolué. Vous avez essayé les techniques de Christophe André? Alors oui, en fait, bon, j'ai tenté. Bah, c'est vrai que moi, c'est Monsieur Lopez, en fait, qui m'a parlé de ce que vous faites. C'est vrai qu'au départ, bah, comme vous, je m'étais orientée vers une pratique beaucoup plus classique, hein, de la psychologie. Enfin, classique. Oui, non, parce que moi, c'est vrai que bon, la première fois, je suis tombée sur un thérapeute complètement taré qui voulait absolument que j'assassine mes parents. Il me dit oui, faut tuer le père. Il était belge. Bah oui, il était belge. Moi, comme j'aime pas avoir trop de démêlés avec la justice, j'ai demandé justement à Frédéric qu'est-ce que tu me conseilles. Il me dit, mais tu connais pas Christophe André parce que j'ai l'accent belge dès que je parle de vous. Voilà, c'est systématique, dès qu'il parle de vous, il prend l'accent belge. Alors il me dit, mais vraiment, lis ses livres et tout, il est formidable. Donc moi, j'ai pris le livre, je l'ai lu, alors je me suis mis à méditer. Donc au début, moi, je trouvais ça très très sympa. Sauf qu'au bout de quoi, je vais dire, ben 15 jours de semaine, d'un coup, je me suis retrouvée complètement épanouie. Et à partir de là, ça a été vraiment le début de la fin. C'est-à-dire, je me suis retrouvée alors dans un bien-être total, voilà, mais vraiment une sérénité que c'était catastrophique. Enfin, le malaise, quoi. Le malaise, hein, le malaise. Hein, Frédéric Lopez, ben oui, qui doit me malaise. Et ben, c'est bien que vous me posiez la question. Un malaise. Voilà, et ben, un malaise économique. Parce qu'en fait, j'étais devenue complètement économiquement inerte. C'est-à-dire que, à cause de la méditation, je me suis en fait soudain soustrait du flux commercial. Alors, je vous explique pourquoi. C'est que le problème de la méditation, tel que le propose Monsieur Christophe André, c'est qu'elle vous fait accepter tel que vous êtes. Donc, la personne qui médite, elle ne cherche plus à consommer pour régler ses problèmes, puisque ses problèmes, elle les accepte. Donc, on n'achète plus de clopes ou d'anxiolytiques pour passer ses angoisses, parce que les angoisses, justement, on les accepte. Et moi, je vois, par exemple, avant la méditation, j'étais hyper angoissée par mon corps, tout ça. J'ai acheté des crèmes à base d'algues, des crèmes phytoluminescentes à espacement chromatique, voilà, des trucs comme ça. Et avec la méditation, ben, plus rien. Que dalle, c'était complètement fini, parce que je n'en ressentais plus le besoin. Et là, je me suis dit, mais si tout le monde fait comme moi, il se passe quoi, monsieur André? Je vous pose la question, Il se passe quoi? Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer que les grands groupes de laboratoires, paf, plus rien du tout, ils vont vendre. Les groupes de cosmétiques, pareil. L'Oréal, il va mourir. Liliane Bettencourt, eh ben, elle pourra aller vite retourner chez les FARC pour vendre des patates douces en Colombie. Et moi, je me suis dit, en fait, ce qu'il veut, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est nous priver des rares milliardaires français qui veulent encore bien rester dans notre nation, ruiner toutes nos forces économiques. Mais dans une France en crise économique, monsieur Christophe André, on ne peut pas se permettre ça. On n'a pas besoin de gens heureux, on a besoin de consommateurs. D'accord ? Je veux dire, à quoi bon une France épanouie si son avenir bancaire est bancal ? Donc, non, mais après, n'allez pas croire que je n'ai pas de solution, parce que je ne viens pas parler non plus dans le vent. J'ai une réponse. Il existe une forme de sagesse bouddhiste qui est quand même compétitivement économique très intéressante, à savoir le management d'entreprise. Alors, comme votre méditation, elle prône bien sûr un bien-être personnel, sauf qu'au lieu de passer en fait par une élévation de soi, ça passe par un rabaissement des autres. Ce qui barre effet de contraste est finalement exactement le même résultat. Donc, pour vous donner un exemple, dans une entreprise, on va dire, voilà, un supérieur, pour se sentir bien dans le management d'entreprise, il va méditer ses employés. Méditer de médire et démonter. Il va comme ça leur faire du mal. Par exemple, un mec originaire de Nice, depuis toujours, il va le muter à Maubeuge. Ou par exemple, il va le muter dans un service pour lequel il n'est pas formé et lui dire derrière qu'il est incompétent, par exemple. Et du coup, par le malheur qu'il provoque et auquel il échappe, le supérieur se sent bien. Et cette démarche est d'autant plus efficace que si le nombre de personnes rabaissées est très important. Par exemple, dans des grandes entreprises, qui serait responsable de la distribution de courriers ou d'électricité ou de télécommunications, par exemple. Et donc, non seulement le supérieur va se sentir bien, mais il va générer chez les autres de la peur. Or, la peur, c'est un très très bon moteur d'achat. Parce que, oui, c'est parce qu'on a peur pour soi ou pour l'avenir ou pour ses enfants qu'on veut absolument devenir propriétaire et qu'on va s'endetter sur 30 ans et qu'on va faire un boulot qui ne nous plaît pas. Donc moi, j'ai envie de dire, monsieur Christophe André, méditez, oui, mais cessons de méditer individualiste. Méditons collectif, méditons lucratif. Nicole Ferroni, bravo, bravo. Allez, on s'assoit. Oui, c'est vrai que mon cours magistral est celui qui a le plus de succès à l'université. Absolument. Sur la gauche, là, il y a encore des places. Tous les étudiants quittent peu à peu les filières classiques pour rejoindre ma classe. Ça les aide. Bien, sortez vos cahiers. On va pouvoir commencer notre cours de chômage. Moi, j'étais en fac de psycho. Langues étrangères appliquées. Moi, avant, j'étais en socio, en fait. Mais il n'y avait pas vraiment de débouchés. Tout d'abord, la tenue. Au chômage, une règle d'or. Adieu, le costume. Bonjour, le jogging. Au moins maintenant, on apprend des trucs qui nous servent vraiment. Bah ça, c'est très bien les tongs, ça, Ronan. C'est très très bien. C'est pas évident pour eux. On les jette dans le grand bain de la vie active sans être formés pour affronter les premières années. Il faut se mettre à leur place. Bah, c'est chaud. Alors, vous allez bien sûr passer des entretiens d'embauche, mais n'ayant aucune expérience, vous allez recevoir ce qu'on appelle une lettre de refus. Il est primordial de les classer méthodiquement. Démonstration. Pour tous les courriers disant « Nous sommes très sensibles à l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Cependant, paf !» Pile de gauche. Et pour tous les courriers disant « Nous sommes vraiment intéressés par votre profil. Néanmoins, paf !» Pile de droite. Et là, vous fusionnez les piles. Des questions ? Monsieur, à quoi ça sert de trier, du coup ? À rien. Mais au moins, ça vous occupe. Parce que quand on est au chômage, les journées sont très longues. Et ça, ça vous aide à les remplir. Vous notez ça, d'ailleurs. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Très délicate comme question. Alors, première carte à abattre. L'année sabbatique. Bon, ça marche bien, mais attention parce qu'au bout de 5 ans au chômage, ça commence à devenir suspect. Sinon, vous pouvez toujours dire que vous prenez des cours de théâtre pour devenir comédien, ça, croyez-moi, ça marche toujours. Qui oserait vous empêcher de croire en vos rêves, hein ? Personne ! Alors, profitez-en ! On peut aussi dire qu'on prend du temps pour nous, non ? Ah non, mais surtout pas, malheureux. Surtout pas ! Parce que sinon, on vous collerait dans la catégorie des feignasses ! Et ça, c'est très dur d'en sortir. Crois-moi, mon petit pote. On est des chômeurs ici, on n'est pas des feignasses ! Allez, slide suivant. Il est con, lui. Alors, nous allons nous mettre en situation avec un petit jeu de rôle. Alors, Georgios, tes parents ne sont pas très contents. Eh oui, mon fils, tu cherches pas de travail. Tu passes toute ta journée sur Facebook. Enfin, c'est mon travail. Je suis community manager. Ah, mais bravo, vous voyez, soyez imaginatif. Community manager ou chômeur, personne ne fera la différence. C'est bien, Georgios. Ah, mais Georgios, il est grec. Alors forcément, c'est facile. Et les mecs, ils ont 10 ans d'avance sur nous, là-bas. Ils rigolent pas, hein. Attention. Micro ouvert. Alors, avant que vous n'écoutiez ce micro ouvert, eh bien... envie de dire que vous allez entendre Jordan qui sollicite les auditeurs à venir le 4 avril 2016 au palais de justice de Bruxelles à 9h du matin. Mais nous sommes le 22 avril 2016 et voilà, le temps est passé. Ça n'empêche que vous pouvez toujours accompagner Jordan, le découvrir, être avec lui. Enfin voilà, plus on est... mieux c'est, j'ai envie de dire, et c'est vraiment ça l'idée. Soyons tous ensemble, et donc avec le moteur de recherche que vous voulez, vous tapez Jordan, le cheminot, et vous trouverez ses références. Voilà, soyons tous ensemble. Et envie de dire aussi que à la fin de ce micro ouvert, on comprendra que Jordan part travailler, puisqu'on a la gare du midi, voilà, c'est hyper fastoche pour lui, au boulot. Et récemment, là, eh bien, on a appris que Jordan était sanctionné de 3 mois sans boulot. Voilà, t'es puni, gars, tu peux pas aller travailler, tu peux plus aller travailler pendant 3 mois sans salaire. C'est parti, alors, on se trouve à la gare du Midi, à Bruxelles, avec un cheminot superstar, je rigole quand je dis ça, Jordan. Jordan, moi j'avais envie de te rencontrer parce que j'ai entendu parler de toi, enfin vraiment le gars qui s'est pas laissé faire, enfin avec d'autres gars évidemment, hein, mais je sais pas pourquoi toi, ça, tu vas nous le raconter justement, j'avais envie d'en savoir plus. Donc t'es cheminot, il y a les grèves et t'as une amende salée parce que tu manifestes. Alors voilà, rencontre, tu peux te présenter. Bah voilà, donc effectivement Jordan certainement pas superstar, hein. Jordan qui défend ses droits, Jordan le travailleur, le cheminot qui travaille depuis 12 ans dans une société, la plus grosse société de Belgique encore avec plus de 33 000 équivalents temps plein, le fleuron belge, le dernier secteur national, donc le fleuron belge à la base de l'expansion économique de la Belgique, le premier réseau ferré européen, donc tout ça c'est des valeurs qui sont importantes pour moi parce que à l'heure des problèmes de mobilité et écologique, les réseaux routiers qui sont saturés, ben, pour moi l'entreprise du chemin de fer n'a pas à être privatisée, ça c'est le fond du problème. C'est la privatisation du chemin de fer, tous les stratagèmes qui sont mis en place pour privatiser le chemin de fer, alors qu'il y a moyen d'avoir des réponses en investissant dans l'emploi. Il y a des problèmes dans la jeunesse de l'emploi. Voilà, il faut former des gens, il faut développer le rail, ne pas augmenter les tarifs, ne certainement pas supprimer des trains. Voilà, ça c'est mon combat. Ça, c'est ce qui m'a amené le 6 et le 7. Décembre ? 6 et 7 décembre 2015, à lutter contre le plan Galland. Donc le plan Galland, c'est suppression de plus de 6000 emplois au chemin de fer à l'horizon 2019. Augmentation de productivité de 20% avec moins de moyens. Donc on va supprimer 3 milliards au chemin de fer. Et d'un autre côté, on subventionne à hauteur de 4 milliards les voitures de société. Et alors, plus spécifiquement, moi je suis accompagnateur de train. L'accompagnateur de train, c'est ce que les gens rencontrent tous les jours dans les trains, c'est le poinçonneur, le petit poinçonneur. Mais on n'est pas du tout ça en fait, on n'est pas du tout l'image que les gens ont. On est avant tout là pour la sécurité des convois, pour aiguiller les gens qui sont dévoyés, pour informer les gens en cas de retard. Et on est responsable aussi de la sécurité du convoi et la sécurité du départ du train. Et la sécurité des gens au sein du convoi, s'il n'y a jamais une avarie ou s'il y a un accident, un passage à niveau, on est formé à réagir. On est avant tout un animateur et une personne de référence dans le train. Moi, c'est comme ça que je vois mon métier. Donc voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ce boulot, Jordan ? Ça fait 12 ans. Donc je l'ai dit, 12 ans de métier. Mon père était cheminot, il est poseur de voie, il est pensionné maintenant depuis 4 ans. Donc voilà, moi je sais que mon emploi va être menacé. Galland programme de supprimer 20% des accompagnateurs de train. Donc nous on pose la question, est-ce que c'est vraiment opportun de faire ça ? Le réseau ferré est un réseau vaste, encore à l'heure actuelle, bien qu'on n'occupe pas à le démanteler. Mais s'il se passe quoi que ce soit, nous sommes habilités, nous sommes les mieux habilités à réagir en temps réel. Et en fin de compte, c'est exposer les gens dans les trains à des risques qui ne sont pas utiles, surtout qu'on supprime les trains. Donc voilà un peu toute la lutte du 6 et le 7 dans les grandes lignes. Ouais, et donc le 6 et le 7, ben, on nous envoie des huissiers, quoi. On nous envoie des huissiers pour nous empêcher de crier toutes ces injustices. Et moi, je le vois comme ça, c'est qu'on est occupé à essayer de nous bâillonner. On construit tout un message, et le gouvernement ne veut pas que les gens entendent notre message, parce que notre message, il est avant tout pour le service public, une conquête sociale. Le service public, le patrimoine de gens qui n'en ont pas. Et donc, on veut nous bâillonner, on nous envoie des huissiers, 1700 euros d'amende, voilà ce à quoi je suis exposé. Le 4 avril, il y a un procès, il y a un gros appel à la mobilisation le 4 avril pour venir lutter contre ça et dénoncer ça, parce que c'est moi aujourd'hui, mais demain, ça sera d'autres. Alors, tu as posé la question, pourquoi moi ? Voilà. Oui, voilà, pourquoi toi ? Qu'est-ce que... Ben pourquoi moi ? Ben ça c'est l'idée un peu rétrograde et paternaliste du système, c'est qu'on s'attaque à quelqu'un qu'on pense être le leader. Et on pense qu'en tapant avec un, tous les autres vont se ranger. Et ce n'est pas du tout ce qui occupe à se passer. Parce que je ne suis pas un leader, je suis quelqu'un qui croit. Et il y en a beaucoup comme moi qui sont convaincus que ce qui occupe à se passer, ce n'est pas juste. Je pense que si tu poses la question à beaucoup de personnes, beaucoup de gens disent qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne tourne pas rond dans notre système. On a privatisé le transport ferroviaire. Et il faut savoir qu'un train consomme 100 fois moins qu'un camion. On a supprimé le trafic ferroviaire, ce qui fait qu'il y a plein de camions qui sont retournés sur les routes. Voilà pourquoi il y a des embouteillages. Ça, c'est qu'un petit exemple du problème avec les 4 milliards qui sont investis dans les voitures de société. Ce sont tous des petits éléments comme ça où nous, on veut ouvrir le débat sur ça. On veut pouvoir en parler en tant que travailleurs conscients des enjeux. On estime qu'on est même mieux à même que certains décideurs d'ouvrir ce débat et de prendre des décisions. Et ça plaît pas naturellement aux gens qui veulent qu'on soit simplement des petits travailleurs lambda qui allons travailler, qui engraissons le système et qui engraissons des parasites. Parce que la vérité, c'est quoi ? C'est les cheminots, c'est les enseignants, c'est les gens les ouvriers qui travaillent. C'est eux qui font tourner le système. Engraissons des parasites, c'est quoi que tu veux dire quand tu dis ça ? Bah pour moi, je ne mâche pas mes mots. Hein. Je pense qu'il est temps qu'on soit... Mais ne mâche pas tes mots, vraiment. Hein. Mais je sais que ça dérange, tu vois, et si j'en profite, tu me donnes un micro, j'en profiterai. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je le ferai. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'on m'attaque. C'est qu'à un moment, quand des gens osent dire le fil des pensées et qui propose autre chose, ben ça dérange. Et pour moi, les parasites, c'est le capitalisme. C'est les gens qui, en fin de compte, approprient les richesses, parce que c'est ce qui occupe à se passer. Partout dans le monde, on augmente les richesses, les PIB augmentent, mais il y a une accaparation de richesses. Et le service public est basé, et c'est pour ça que je le défends, est basé sur un système de redistribution de richesses. Et là, on est dans un système de privatisation. C'est-à-dire qu'on collective les pertes et on privatise les richesses. Voilà le souci. C'est ça le souci de notre système, dans le fond, dans les grandes lignes, naturellement. Après, comment on y répond collectivement, en se posant tous la question, en parlant. Mais on justifie ça comment, en fait, en disant, donc en gros, on va virer des gens, soyons clairs sur les mots, hein, donc on va virer des gens qui travaillent... C'est l'austérité, hein, tu savais pas, c'est l'austérité, il faut se serrer la ceinture, mais il n'y a que nous qui nous serrons la ceinture. On se serre la ceinture au service public. C'est l'austérité, tu savais pas ça? Si, j'ai entendu parler, mais ça me fait toujours rigoler d'entendre ça, parce qu'on n'a jamais été aussi riches, c'est dingue. Enfin, on, hein, ceux qui gèrent... Et le monde, la nature, le monde, il est généreux. Il n'y a que ces parasites qui ne sont pas généreux, en fait. Nous, on est généreux, et on veut nous faire croire que le monde n'est pas généreux, mais c'est faux. C'est totalement faux. Donc, voilà, il y a ce... On parle d'une droite décomplexée. Bah, il faut que les travailleurs se décomplexent aussi un petit peu. Et dans les gens qui nous dirigent, les grands de ce monde, hein, ils sont grands que parce que nous, on est à genoux. Hein, le jour où on se lèvera la tête et on se dressera, ils seront à la même hauteur que nous. Hein, c'est des hommes comme des autres. Hein. Donc, mais quoi, le but alors, c'est l'austérité. Et donc, comme c'est l'austérité, du coup, tu vois, c'est toujours bien d'entendre la parole de quelqu'un qui est à l'intérieur du système pour bien comprendre. Hein, pour en l'occurrence, c'est les chemins de fer, quoi. Donc c'est l'austérité, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Allez les amis, on va devoir vous liquider, désolé, on ne sait pas encore très bien qui ça va être, mais voilà, préparez-vous, il va y avoir du licenciement. Mais quoi, ça veut dire alors que les lignes de... Enfin, on va diminuer... les trains du coup alors aussi. C'est déjà occupé hein, depuis 2-3 années, on supprime des premiers et des derniers trains, on part du principe qu'ils ne sont pas rentables. Alors qu'on a un service public, on n'est pas voué à être rentable. Il faut savoir que les trains qui sont fort occupés subventionnent en fait des trains moins occupés. Mais ça, c'est la notion du service public. On n'a pas à être rentable. On a à permettre une mobilité des citoyens. Et donc, il y a des gens qui sont en région, il y a des gens qui sont en province, qui ne peuvent pas spécialement s'acheter une voiture, payer des taxes, payer des assurances, qui ont droit à être mobiles. Et donc, à l'heure actuelle, le service public est organisé comme ça. Les trains qui sont bondés subventionnent des horaires d'accompagnateurs comme moi à des horaires plus creuses. Mais c'est la logique du service public. Par exemple, j'ai eu des discussions avec comment est-ce qu'il s'appelle, Yann Iac, et donc un des anciens CIO. C'est quoi les C? C'est le grand manager de la boîte, quoi. Maintenant, c'est Joe Cornu, c'est des grands managers. Et il partait du principe, oui, mais vous savez, c'est pas logique que des citoyens qui ne prennent jamais le train aient à payer par leur taxe le train. Et j'ai dit, oui, mais monsieur Hack, si vous raisonnez comme ça, ça veut dire que moi, j'ai pas d'enfant, je dois pas subventionner l'enseignement. J'emprunte pas la voiture, je dois pas payer les taxes. J'utilise pas les autoroutes, je dois pas payer l'usure des autoroutes. Si on commence à privatiser et qu'on ne doit payer que ce qu'on consomme, ça c'est la privatisation, ça c'est la notion de clientélisme. Une société fonctionne pas comme ça. On a besoin d'avoir une vie économique, on a besoin d'agir collectivement pour le bien-être. Vraiment, il faut réfléchir, il faut pas le faire n'importe comment. Et je pense que l'État utilise un peu l'argent n'importe comment, mais ça c'est un autre débat. Mais donc, et tu parlais de suppression d'emplois, enfin tu parlais de licenciements, ça va pas être des licenciements, ça aussi ils se retranchent là derrière, ils disent voilà, ça va pas être des licenciements, en fin de compte on va simplement ne pas recombler les postes qui partent à la pension. Mais là aussi, l'austérité est un vol organisé, ça je le dis, je le crie, pour moi c'est un stratagème d'une élite qui utilise cette fameuse crise financière de 2008 pour venir sabrer et détricoter toutes les conquêtes sociales d'après-guerre. Ça, c'est une chose. Et il se cache derrière le fait, oui, mais vous savez, l'emploi, on ne va pas vraiment mettre des gens à la rue, on ne va simplement pas recombler les emplois. Mais d'un autre côté, on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais on fait travailler les gens plus longtemps aussi, au chemin de fer. On les use plus longtemps au travail. Allez, il y a plein d'incohérences comme ça, qui à un moment, il faut être capable de se poser la question. Et quand on met les gens le nez dans le guidon à dire « c'est l'austérité, vous devez accepter sans réfléchir, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre alternative », parce que c'est ça, « there is no alternative », on ne nous permet pas d'avoir le temps de réfléchir à ce qu'on nous fait faire, en fait. Et des moments de grève, dans des organisations syndicales, en tant que contre-pouvoir, on essaye de faire une pause et de dire « voilà, non, nous, on souffre, ce que vous nous faites faire est injuste », on réfléchit et on agit. C'est un peu ça. Mais c'est très bien, hein, parce que vous, enfin dans la presse, dans les médias, alors peut-être pas tous, hein, mais c'était vraiment, vous étiez mal vu, quoi. Hein, les personnes qui font grève, ceux qui travaillent dans le chemin de fer, vous êtes des emmerdeurs parce qu'il n'y a pas de train, quoi. Zut, hein, c'est vraiment ça. C'est quand même fou, non? Alors, ouais, ça fait depuis les années 80, on a préparé les esprits au fait que dans les services publics, les gens d'État, il y a le genre de blague, hein, il y a que dans les ministères ou je sais pas où que le bois travaille, ce genre de blague-là, on a fomenté tout un état d'esprit où les gens du service public sont des privilégiés et les cheminots sont des privilégiés. Les fonctionnaires, c'est comme ça que ça s'appelle. Les fonctionnaires, mais moi je me sens pas comme un fonctionnaire, moi je suis un travailleur du service public, je suis accompagnateur de train. Voilà, j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat s'il y a des endroits où effectivement il doit y avoir des économies qui doivent être faites. Je sais pas, c'est pas mon rôle en fait. Moi ce que je critique, c'est le démantèlement des services publics. Après le débat qu'eux fomentent en disant ben oui, mais bon, il y a quand même certains endroits où on doit diminuer les moyens. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat, dans ces débats-là. Mais du coup, toute l'image qu'on donne de nous en disant qu'on est des criminels, ça a été même jusqu'à... On est des criminels. Maintenant, ils osent plus trop nous traiter de terroristes. Hein. Des criminels? Oui, on est des criminels en puissance. Quoi. On est violent, on grogne, on casse. Maintenant, ils osent plus trop avec le terrorisme. Avec les derniers événements, ils se rendent un peu compte que ça serait un peu allé trop loin. Quoi. Mais à un moment, avant les attentats de Paris et tout ça, on disait des organisations syndicales qu'ils étaient des terroristes. Et donc, moi, je le dénonce. En fait, les gens sont pris du syndrome de Stockholm. En fait, nous, on dénonce le fait qu'on soit pris en otage tous les jours par un système. Et quand on le dénonce, on fait retourner les gens pris en otage contre ceux qui essayent de libérer les gens de l'otage. C'est-à-dire que quand nous, on fait grève, on dénonce les prises d'otages quotidiennes. Des trains bondés, des trains en retard, des trains pas propres, de la sécurité qu'on remet en cause. Donc nous, on dénonce ça à des moments ponctuels quand on fait grève, parce que ça a saturé, on ne fait pas grève par plaisir. On nous y oblige, en fin de compte, à perdre une journée de salaire, deux journées de salaire, à nous retrouver dans la rue. Donc c'est un peu le syndrome de Stockholm. En fait, on se bat pour les gens, on se bat pour le service public, on se bat pour les citoyens, parce qu'on les transporte tous les jours, on œuvre tous les jours au fonctionnement d'une société où la mobilité est présente et de manière accessible et de manière sûre. Mais quand on fait grève, en fait, on nous culpabilise et on utilise un stratagème où ça serait nous les criminels. Et ça, je les dénonce fortement, parce que c'est pas du tout mon raisonnement. Quand moi je fais grève, c'est vraiment pour essayer de me rapprocher des gens et de dire voilà notre vécu de tous les jours, on se bat contre ça, unissez-vous à nous et on peut changer les choses. Mais c'est une belle idée, hein. Ça devient rare ça, de se mettre ensemble et de pas être d'accord. Moi j'avais croisé des cheminots à la gare de Namur. Vraiment des toutes chouettes personnes, je discutais un peu avec elles et elles avaient décidé de faire grève 24 heures, hein, vous aussi de votre côté ? Ouais, c'était 24 et 48 heures, ouais. Donc elles dénonçaient aussi un peu tout ce système et... Non, je pense que c'est important de se mettre tous ensemble quand il y a... Enfin, c'est pas simplement les cheminots en même temps aujourd'hui, c'est carrément tout un système qui part en cacahuète. Je sais pas ce que t'en penses. Bah. La réponse, elle est vers la convergence des luttes. Hein. Je veux dire, moi ici maintenant, je suis attaqué. Ce qui a prouvé une bonne réponse, c'est justement la présence de mouvements citoyens, de mouvements étudiants, de gens d'autres secteurs qui sont venus en renfort par rapport au secteur cheminot qui est occupé à attaquer à l'heure actuelle. Il faut savoir que le gouvernement, il a compris, il nous attaque pan par pan, divisé pour mieux régner. Et donc, ils attaquent pan par pan. Et donc, c'est à nous à chaque fois être capable de réagir par solidarité aux secteurs qui sont attaqués à ce moment-là. Parce que attendre qu'on soit attaqué, ce sera trop tard. Tout aura été démantelé. Et donc, oui, la solidarité, c'est pas facile à l'heure actuelle. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail patient, qui demande beaucoup de réflexion. Et je pense que ça dérange aussi, qu'on essaie de faire ce travail-là en tant que militant syndical, en tant que militant citoyen, en tant que citoyen conscient, tout simplement, en fait, qui décidons de nous organiser, de réfléchir le monde qui nous entoure et voir comment est-ce qu'on peut en créer un meilleur. Moi, j'ai pas pour but de revenir en arrière, hein, parce que ça aussi, on dit qu'on est rétrograde. Bah, y a pas plus futuriste que moi, en fait. Rétrograde, qui dit ça ? Ben, Galant, là, les organisations syndicales sont rétrogrades, les travailleurs sont rétrogrades. Mais pourquoi ? Parce qu'on les empêche de faire leurs réformes. Et pourquoi on est rétrograde ? C'est une bonne question, il faudrait lui poser la question. En fait, tu devrais lui offrir une heure de micro. Oui, mais j'imagine qu'elle dit... Ça, ne fais pas ça, elle a déjà assez le micro. J'imagine qu'elle dit rétrograde par rapport à quelque chose de très précis, mais quoi ? Parce que moi, j'avais... Le syndicat, en fait, moi, je le connais pas très bien, mais il y a eu des moments où les syndicats ont fait grève par rapport au rail, où quelque part, ils demandaient, comment on dit ça, un salaire, je sais plus l'expliquer maintenant, mais c'était, quelque part, c'était ringard l'idée, c'est vrai. Je sais pas si c'est en lien avec ça, c'est-à-dire que on est dans un système, qui bouge et tout ça, et vous... Oui, c'est comme si vous faisiez passer pour des gens qui voulaient continuer à avoir leur pouvoir d'achat, machin, quoi. Alors qu'au fond, quand tu regardes, il faut plutôt apprendre à consommer autrement, tu vois. Enfin... Elle, dans son discours, elle dit, il faut moderniser les chemins de fer. Mais c'est un grand principe bateau, quoi. Elle vient avec des principes bateaux. Après, quand tu grattes... Moi, j'ai déjà rencontré Galant. Hein, J'aime bien les chemins de fer et les bateaux. Principe bateau, Justine Galant. Hein. Mais bon, elle est ministre de la mobilité, donc je suppose qu'elle doit s'occuper des bateaux aussi. Mais donc, c'est des principes bateaux de dire on est rétrograde et on se bat que pour nos privilèges. Donc, je l'ai dit, c'est les grandes lignes sur lesquelles on nous attaque. Mais après, le souci, c'est qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir... expliquer nos principes et ce qu'on défend dans les médias. Parce que les grands médias traditionnels utilisent le sensationnalisme. C'est-à-dire ce qui les intéresse dans une grève, ah, on a bloqué des trains. Mais oui, mais pourquoi on a bloqué des trains? Pourquoi est-ce qu'on mène une action de grève? Ça, on ne nous laisse pas le temps de décortiquer l'information. Et je l'ai dénoncé aussi sur les plateaux, les représentants des travailleurs. Parce que le syndicat, il y a la structure syndicale, il y a la bureaucratie syndicale, il y a toute la structure syndicale qui est là. Mais le syndicat, pour moi, ma vision du syndicat, c'est avant tout c'est un outil pour l'organisation des travailleurs. Et donc c'est aux travailleurs aussi à combattre un peu ce qu'on a fomenté dans les états d'esprit depuis des années, c'est qu'on doit être représenté par des gens. Non, on doit s'organiser. On doit se souder, on doit se solidariser, on doit réfléchir ensemble et pas tout le temps déléguer des pouvoirs à la représentativité. Il y a la représentativité démocratique maintenant, avec des gens qui sont élus, pas vraiment élus vu qu'on a bien vu comment le stratagème qu'ils ont utilisé avec la NVA et le MR. Ils ont fait un stratagème et ils sont pas du tout la représentativité du peuple pour moi. Ils ont même dit qu'ils ne feraient pas certaines choses et ils l'ont fait. Donc pour moi, ils sont pas du tout représentatifs. Mais tu vois, on est dans une démocratie représentative. Et au niveau syndical, on est confronté au même problème. C'est-à-dire que les gens préfèrent être représentés. Souvent, moi, j'ai certains collègues qui me disent « Ouais, mais c'est normal, toi, t'es délégué, c'est normal que tu le fasses. » Mais non, c'est pas normal que je le fasse. On va le faire ensemble. Parce qu'on a chacun à prendre les uns des autres. Et moi, je suis pas payé pour ça. Moi, c'est du pur bénévolat. Et ça aussi, on doit essayer de renforcer aussi la richesse du bénévolat, de s'inclure dans les mouvements citoyens. Ça aussi, c'est pas mis assez en valeur à l'heure actuelle. Et donc je m'éloigne un peu du bazar sur quoi on est attaqué, sur nos privilèges, comme quoi on est des privilégiés et tout ça. Mais ça, ce discours-là, on le connaît. Et il est super compliqué à décortiquer parce qu'on n'a pas souvent la parole. Mais moi j'appelle les gens à s'intéresser, à venir sur des piquets de grève, à rencontrer des travailleurs payés, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai ce discours-là, à venir les rencontrer, à venir rencontrer des gens qui sont en grève et d'aller dire, tiens, pourquoi aujourd'hui ces gens-là, on prétend qu'ils veulent emmerder le monde? Mais est-ce que c'est vrai que les gens se posent la question, en fait, un petit peu, qu'ils sortent de chez eux, qu'ils arrêtent de regarder leur télé? Allez sur les piquets de grève, que vous soyez solidaires ou pas de l'action, mais au moins vous informer à la source, ce serait peut-être intéressant. Oui, parce que derrière tout ça, c'est quand même la vie de gens. Je veux dire d'hommes, de femmes, de familles même derrière tout ça, non? C'est ça qu'on... J'entends la ministre Galland qui dit « Oui, mais il faut... vous êtes ringard, il faut moderniser... quoi. » Enfin, c'est dingue de parler comme ça. On est vraiment dans un système où l'être humain, la personne humaine, les valeurs humaines, on les met vraiment à la poubelle, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on ressent de plus en plus. On est des machines qui faisons fonctionner un système. J'ai encore eu la remarque ici dernièrement de collègues, ils disent, mais en fin de compte, on est à l'usine, quoi. Tout ce qu'on nous demande, c'est de travailler à la chaîne et on doit fermer juste notre gueule. Et il y a des gens qui m'ont dit, ouais, à un moment, des claques comme ça, on va plus les supporter. À un moment, les claques, on va plus les supporter. Et pour l'instant, les gens souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et les gens, pour l'instant, dans ce système, parce qu'ils sont pris à la gorge, pris à la gorge par l'endettement, pris à la gorge par le fait qu'on les culpabilise, pris à la gorge par le fait de dire qu'il n'y a pas d'autre alternative, les gens souffrent et ont peur de dire qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur de dire qu'ils souffrent. Et on leur donne pas la voix, on leur donne pas la parole, on étouffe leur voix, on les baillonne. C'est un peu tout ça aussi qui est à combattre, en fait. Il y a vraiment une déshumanisation, hein. Vraiment une déshumanisation des choses. À côté de ça, il y a plein de choses. Moi, c'est sur ça que je m'appuie, hein. C'est surtout les mouvements justement alternatifs qui sont là. Ça fait 3-4 ans que je milite dans des mouvements citoyens et alternatifs. Et ça permet d'avoir la pêche, quoi. Et j'essaye d'apporter ça au sein de gens qui, malheureusement, n'ont peut-être pas le temps de le faire, d'essayer de les amener à ce raisonnement-là, de dire, voilà, ne croyez pas qu'il n'y a pas d'alternative. Si, il y en a plein des alternatives. Mais Jordan, moi ça m'intéressait aussi de décortiquer un peu cette idée de cette amende, parce que c'est un montant de... 1700 euros, donc 1000 euros d'amende et le reste c'est environ 600 et presque 700 euros de frais pour le huissier. Okay. Mais pourquoi c'est une amende qui t'est destinée à toi ou bien à ton groupe qui a manifesté? Non, c'est moi précisément, c'est moi. Donc le système d'astreinte fonctionne comment? C'est un stratagème du coup complètement dépassé, préhistorique, hein. Ça date des années 1900, 1800, 1900, on revient vraiment en arrière, on revient à l'époque de Germinal. Donc le Infrabel a décidé d'aller voir un juge pour avoir un jugement unilatéral. sur base d'une requête unilatérale où il n'y a pas eu de débat contradictoire. Donc, on prend une décision sans entendre la partie adverse. C'est déjà un problème. Ah, bah complètement, ça m'énerve. C'est dégueulasse. Ils arrivent avec un outil juridique, un truc de loi. Boum, ils arrivent, on a pris une décision. Oui, est-ce que vous avez peut-être entendu pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi on le fait et comment on décide de le faire. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ils arrivent avec ça. Et deuxième élément, c'est la manière dont ça a été fait sur place. C'est-à-dire que l'huissier, là, le Célestin Plugers, qui est huissier à Ouvresse, le gars, ses agissements sur place, il n'était pas du tout cantonné à simplement l'action d'un huissier qui constate. Il est venu faire de la provocation. Il a traversé plusieurs fois le piquet d'une centaine de personnes à faire de la provoque. Il est venu sur place. Il est venu sur le terrain pendant la manif, le huissier. Ouais, mais ça c'est normal. En fait, ils viennent constater si on outrepasse ce jugement qui a été fait. Donc ils sont là pour constater. Mais il y a deux autres huissiers qui étaient en retrait et qui ont constaté. Ils peuvent très bien constater loin. Et puis à un moment, ils arrivent et ils disent, voilà, on a constaté ça. On vous met en information que vous avez outrepassé ce jugement unilatéral. Maintenant, mais je comprends pas. Ils viennent vérifier quoi, en fait? Ils viennent vérifier que le jugement unilatéral est respecté. C'est-à-dire qu'un frabel interdisait qu'on bloque tel et tel accès, un frabel interdisait qu'on fasse des utilisations de torches à flamme rouge. Des utilisations de torches à flamme rouge. Et je rigole parce que j'ai un pote d'enfance qui vient de passer, il me fait un coucou, il se demande quoi, il voit le micro, il fait wow. Donc il y avait plein de choses interdites, mais nous on n'est pas au courant de ça. Eux arrivent avec ce document-là. Attends, parce que donc il y a un frabel qui précise que vous ne pouvez pas faire ci, ça, là. Vous n'êtes pas au courant que vous ne pouvez pas faire ci, ça, là. On n'est pas au courant. Donc il y a un jugement unilatéral d'un juge. Donc un frabel démarche auprès d'un juge, exige une requête, fait une requête unilatérale, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a un jugement qui dit ok, bon, cette requête unilatérale est recevable. On vous met un outil administratif juridique en main, cette requête unilatérale, et on dépêche des huissiers sur place qui vont être habilités et assermentés à faire les constatations d'usage sur place. Okay? Donc lors de cette action-là, eux prétendent qu'on a outrepassé. Déjà, il y a un problème. Donc les huissiers, ça, quand tu dis eux. Les huissiers, ouais. Enfin, surtout un, en fait. Il n'y en a qu'un seul dans les trois qui a constaté. Et ce gars-là a été plus loin que simplement la constatation. Il a traversé le piquet plusieurs fois et il allait chercher les gens avec qui on discutait ce qu'on fait tout le temps, en fait. Il faut savoir que les grèves qu'on a menées le 6 et le 7, c'est des grèves qu'on mène depuis des années. Moi, ça fait 9 ans que je suis militant. J'ai fait des dizaines et des dizaines de grèves. Ça s'est toujours passé comme ça, ça s'est toujours bien passé comme ça. On est présent, on informe les gens et on se demande pourquoi les gens font grève et quelles sont leurs raisons, s'ils sont au courant qu'il y a grève. Donc tout se passe généralement très très bien. Et là, cette fois-là, il y avait un huissier qui est venu en rajouter, qui a pris les gens quand on leur discutait en disant « Ouais, mais allez, venez, rentrez, n'ayez pas peur d'eux, c'est pas des basketteurs. » Donc tu vois, il nous empêchait de discuter, il nous empêchait en fin de compte de faire... Il est venu s'ingérer dans un conflit social, il est venu se mêler de quelque chose qu'il n'a pas à se mêler. En fin de compte, tu vois. Et puis à un moment, il prétend que soi-disant il a fait prendre connaissance qu'il y avait un jugement unilatéral, ce qui est totalement faux. La manière dont il devait le faire n'a pas été faite. Et maintenant, on est en justice. Donc le premier, il y a devant le juge des saisies la question des 1700 euros. Donc le bien fondé des 1700 euros. Et le 4 avril, c'est le débat de fond sur la requête unilatérale, c'est-à-dire le stratagème qu'a utilisé Infrabel pour s'immiscer par la justice dans un conflit social et pas régler le problème du fond, c'est-à-dire pourquoi on faisait grève le 6 et le 7. C'est énorme, hein, c'est énorme. Ouais. Je peux résumer pour voir si j'ai bien compris. Ouais. Donc c'est Infrabel qui est un peu le business de la SNCF. C'est le gestionnaire de l'infrastructure. Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure. Mais de quelle infrastructure ? Infrastructure ferroviaire belge. Voilà. Donc Infrabel va trouver un juge, dit voilà, moi je sens que ça part un peu en couille là, je sens qu'il va y avoir des manifs, des gens sont pas d'accord, et donc j'aimerais bien mettre sur la page plusieurs points pour montrer que j'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça, et ils vont d'office être dans l'illégalité si jamais ils le font, c'est ça ? Alors ça, il y a déjà deux trucs sur ce que tu dis, c'est-à-dire la première chose, c'était annoncé cette grève. Donc on était clairement dans les règles de la grève préavisée, donc c'est pas « je sens qu'il va se passer », non, on avait annoncé. Et donc on doit annoncer 10 jours à l'avance. Donc le fait d'annoncer une grève, essaye de forcer, c'est triste à dire, mais on doit forcer qu'on prenne des décisions, que nos directions prennent des décisions avec le gouvernement. Donc c'est eux qui ont décidé de ne pas trouver des solutions avec nous, qui ne se sont pas mis autour de la table, donc ils nous ont forcés à faire grève. Donc c'est pas « je sens qu'il va y avoir des problèmes », non. Il y a des problèmes et on les dénonce. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément que tu as dit, c'est... je sais plus maintenant. On met sur la feuille on met des points, enfin Frabelle, oui voilà, des points sur lesquels il y a pas moyen de négocier, et si jamais ils le font, ben ils sont d'office. Pas négocier en fait, ouais, voilà, c'est sur la sécurité. En fait, eux légitimisent le fait un peu paternaliste. On est l'employeur, on est le patron, et on est bienveillant envers les gens, et on est bienveillant envers nos employés, et donc les employés qui vont travailler, on doit les mettre en sécurité. Il faut savoir qu'on est des délégués syndicaux. Moi j'ai un mandat en rapport avec un fascicule, à œuvrer au bien-être et à la sécurité de mes collègues. C'est-à-dire, en respect aux lois du bien-être, j'œuvre tous les jours à la sécurité dans des organes paritaires reconnus, à la sécurité au bien-être. Donc venir dire que des délégués syndicaux vont mettre en danger d'autres collègues, mais c'est un mensonge éhonté. C'est gravissime de dire ça. Et alors, il y a le fait que, et ça, c'est ce qu'on va développer le 4, c'est qu'ils prétendent, soi-disant, que l'accès à Trafic Contrôle est névralgique au niveau de la sécurité, que donc rien qu'en bloquant les accès à Trafic Contrôle serait une mise en danger du trafic ferroviaire. C'est totalement faux. En fait, Trafic Contrôle est un organe qui a été créé dans le but de privatiser le rail. Cet organe n'existait pas avant. Il existe depuis peut-être 3-4 ans maximum. Et c'est un organe en fait qui est juste là en tant que dispatching des informations. Mais c'est pas eux qui gèrent la sécurité et l'ouverture des signaux. C'est pas eux qui gèrent la sécurité des convois. Eux sont un interlocuteur privilégié. Ça a été créé dans le but de privatiser le rail. Donc c'est totalement faux en fait. Trafic Contrôle n'est pas du tout utile. Il faut savoir que moi, en tant qu'accompagnateur de train, je suis formé avec plusieurs personnes qui œuvrent sur le terrain à la sécurité ferroviaire. Je connais les mesures à prendre pour couvrir un obstacle, s'il y a un accident. Je connais les procédures à suivre pour venir en secours aux gens. C'est-à-dire j'ai des règles pour faire appel à quelqu'un si quelqu'un fait un malaise. Il faut savoir qu'il y a plein d'accompagnateurs qui ont déjà réagi en temps réel. Je veux dire, c'est pas Trafic Contrôle qui est à Bruxelles. S'il y a un train qui a un problème entre Anvers et entre Malines et Bruxelles, par exemple, c'est pas eux qui vont agir à la sécurité des gens, hein. C'est les gens sur le terrain. Et nous, c'est ce qu'on dénonce. Si on supprime des gens sur le terrain, si on supprime des accompagnateurs de train, c'est là qu'on va mettre en danger les gens. Et donc, c'est encore une fois complètement manipuler les esprits des gens en disant « Oh, ils mettent en danger parce qu'ils empêchent les gens de rentrer dans le Trafic Contrôle. » Mais non, vous mentez. Vous avez créé un organe qui n'a pas lieu d'exister parce que vous avez pour but de privatiser. Et donc, vous créez un organe qui, en fait, désorganise le chemin de fer. Et vous mentez aux gens parce que cet organe-là n'est pas nécessaire à la sécurité des trucs. Donc voilà, c'est déjà deux éléments sur lesquels il y a déjà un souci, tu vois. C'est de la manipulation, quoi. Ouais, c'est clairement de la manipulation. Clairement, ouais. Clairement. C'est de la méconnaissance. C'est utiliser la méconnaissance des gens, des spécificités cheminotes. Et c'est nous prendre pour des idiots, parce qu'en tant que délégué, on est formé à ça. On connaît notre métier et on œuvre tous les jours au bien-être et à la sécurité. Dans des organes reconnus. Donc on est formé, on connaît notre métier. Les gars de la CGT, les copains de la CGT, donc il y a le syndicat au niveau français, les gars, bon, on a des réunions des fois interprofessionnelles, internationales, européennes et tout ça. Et les gars, moi j'adore quand ils disent ça, ils disent le métier de cheminot est un métier de haute voltige, c'est faire rouler plusieurs tonnes sur quelques centimètres de rail. C'est ça la réalité, il y a des trains qui roulent à 200 km/h sur 4 cm de rail, hein. Ça se fait pas comme ça n'importe comment, donc les gens sont formés. Et nous c'est ce qu'on dénonce, c'est qu'en faisant des coupes dans les subsides, on va de moins en moins, c'est déjà occupé, hein. Clairement c'est déjà occupé, on est occupé à faire des coupes et on forme de moins en moins bien les gens. Et c'est là qu'on va mettre en danger, c'est pas la création européenne d'un business pour privatiser le rail qui va assurer la sécurité. C'est tout le contraire qui occupe à se passer. C'est tout le contraire qui occupe à se passer. Je le dirai jamais assez fort, quoi. L'Europe est occupée à démanteler le rail. Le gouvernement est occupé à mettre en danger les gens. Les bureaucrates, c'est eux les terroristes. Ils mettent des gens en danger. Ils les mettent comme du bétail dans des trains, sans réfléchir à la sécurité des gens, sans réfléchir à leur bien-être, sans réfléchir. Il y a des toilettes qui sont fermées, il y a des trains juste pour la rentabilité du service qui ne sont pas nettoyés, qui ne sont pas rénovés, qui ne sont pas envoyés à l'entretien. Que les gens s'informent, un petit peu comment ils sont manipulés. Jordan, et continuons. Et donc, ce qui était intéressant, donc c'est infrabelge. Je continue mon petit truc pour tenir bon, pour qu'on vraiment je comprenne bien. Donc tu as infrabelge qui va trouver un juge. Et qu'est-ce qu'il note sur ce papier en fait pour qu'après vous soyez dans l'illégalité d'office en fait. Ben, donc du coup en fait eux partent du principe voilà nous on va assurer la sécurité, attention monsieur le juge, vous voyez c'est des dangereux terroristes, hein, c'est des dangereux manifestants, ils vont mettre en danger alors qu'on est des travailleurs du rail, hein, avant tout. Donc ça c'est un peu le fond du problème, c'est de dire et on part du principe avec un jugement unilatéral sans nous entendre, on est dangereux et donc attention, il faut mettre des outils à infrabelge pour empêcher tout dérapage. Mais en fin de compte, c'est le fait qu'on nous discrédite dans les médias, qu'on nous dénigre dans les médias, qui a créé les troubles. Parce que je l'ai dit tantôt et je n'ai pas fini l'idée, c'est qu'on n'a jamais eu de problème sur des piquets. Et là, je remarque depuis les deux dernières grèves que les gens, en fait, prétendent leur droit au travail. On est tous d'accord, le droit au travail, si les gens avaient le droit... Quels gens, en fait? C'est parce que vous empêchez les gens d'aller travailler en empêchant que le train soit là, c'est ça, en fait? C'est une minorité, ça aussi, hein, faut le dire clairement. Hein. La grève est une énorme réussite. Hein. Je veux dire, sur mon lieu de travail, il y avait 70% de gens en grève. Dans les ateliers, il y avait 100% de gens en grève. Donc, qu'on soit bien clair, c'est pas les gens qui venaient travailler qui étaient la majorité. Hein. Ça aussi, c'est aussi une manipulation. On fait croire que les gens, parce qu'on voit quelques gars qui sont impliqués. Oui. Ben, on n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous de nous, on sait qu'on représente X centaines et X milliers de gens en grève. Ça, c'est la vérité aussi. Et nous, on se mouille la chemise. On se mouille la chemise à un piquet, à une centaine, mais on représente des milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'on dise « Ah, vous avez vu, c'est un peu ce qu'on dit dans les médias. Ah, vous avez vu, ils font grève pour avoir 3 jours à la maison. Ah, ils sont pas pour présents. » Pour boire des bières, genre. C'est absurde. Hein, mais... Voilà, donc tu vois, donc, voilà, on est une centaine à se mouiller la chemise, plusieurs centaines, on était 400 à la grève, là, cheminote, on était plus de 400 personnes sur le terrain, mais on était des milliers à faire grève, tu vois. Donc, Mais Jordan, je ne comprends pas pourquoi c'est toi qui as l'amende. Pourquoi toi, en fait? Mais, ouais, bon, allez... Je vais dire ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est clair que beaucoup me voient comme un porte-drapeau un petit peu. Hein. Je suis un porte-drapeau. Donc voilà, ils se sont dit, l'idée c'est, si lui on lui tape dessus et qu'on arrive à lui fermer sa tronche, les autres vont suivre. Mais c'est tout le contraire qu'occupe à se passer. Hein. Mais sur quel argument juridique ils peuvent dire, enfin, on ne peut pas comme ça cibler quelqu'un par sa couleur de peau ou par... Fin... Oui, c'est ce qu'ils font. Hein. Donc ici ils ont prétendu dans les médias, et j'aime pas le diffuser parce que c'est totalement faux, que j'aurais été violent envers un directeur et envers une femme enceinte. Il faut savoir qu'effectivement, il y a eu 3-4 personnes avec qui ça a été un peu plus chaud, où il y a eu une discussion un peu plus poussée. Et oui, effectivement, il y a un directeur qui a venu bousculer des gens qui étaient en grève, ce qui est totalement scandaleux parce que ce gars-là est un directeur... Il a bousculé des gens, il y a une autre personne qui a bousculé des gens. Du coup, je ne sais plus très bien, parce que je ne le connais pas ce directeur. On a entendu dire que j'avais bousculé un directeur, mais je ne pense pas que ça soit le directeur. Parce qu'après quoi, on est venu me trouver que, comme quoi le directeur, en fait, comme il était nerveux, à un moment dans la discussion, moi, j'aurais été lui masser les épaules un peu en lui disant « Allez, décontracte-toi, arrête d'être nerveux ». Donc lui, il a mal pris ça un peu. Je pense que c'est plutôt le fait qu'on ait remis en question l'autorité, que je remets en question l'autorité, que j'ose mettre en question avec un peu d'humour, Oui, que je suis un porte-parole en fait, que je suis un porte-drapeau et que j'ose, par des stratagèmes justement qui sont non-violents, qui sont fermes mais qui sont raisonnés, qui sont sensés, parce qu'on a voulu me faire passer pour un dangereux criminel, hein, j'ai bousculé une femme enceinte. Donc ça c'est les stratagèmes, mais ça c'est faux. Tu vois, encore mais c'est quel argument sur papier qu'on te dit que tu dois payer? Qu'est-ce qui est noté sur le papier, monsieur Jordan machin? Vous devez payer ce montant pour quel motif en fait? Alors le motif c'est qu'on a empêché de faire rentrer des gens dans Trafic Contrôle et que ça s'est passé de manière musclée. Mais l'endroit où on était n'est pas un endroit interdit, ça on l'a appris après parce qu'il faut savoir que l'assignation, le jugement unilatéral ne nous a jamais été communiqué sur place. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, là où il a fait les soi-disant, les prétendues constatations, c'est même pas un endroit qui est interdit. Donc le gars, il a super mal fait son boulot, quoi. Donc moi, je suis pressé de voir le 4, comment ça va se passer. Oui, parce que c'est complètement faux, en fait, ce qui est... On a plein de témoignages. On a plein de témoignages de gens qui contredisent complètement le truc de l'huissier, quoi. Hein. Donc, et là, on a utilisé les médias pour me discréditer en disant que j'étais violent, nanana, pour encore une fois renforcer cette idée du vilain gréviste en rouge qui tape sur les gens, quoi. Tu vois ? Et c'est quand qu'on peut venir ? C'est ouvert au public ? C'est quand et où ? Donc, c'est rue des Quatre Bras, donc à côté du Palais de Justice, l'annexe du Palais de Justice, quand on regarde vers le Palais de Justice, qu'on est dos à la place Stéphanie, c'est à gauche, le premier bâtiment sur la gauche, donc rue des Quatre Bras. C'est à 9h du matin et c'est au tribunal civil. Tribunal civil, c'est à 9h, le 4 avril. 2016, à retenir cette date fatidique. Ouais, 2016, et ben, sur les médias sociaux, du coup sur Facebook, il y a une page de soutien, solidarité avec Jordan contre la répression des mouvements sociaux. Et il y a entre autres un événement pour le 4 avril. Donc ça, vous le retrouvez sur la page du comité de soutien et de solidarité avec Jordan et contre la répression des mouvements sociaux. Ça, c'est l'event pour le 4 avril. Là, ça tourne, quoi. Les infos tournent par rapport à ça. On a créé un tract avec le comité de soutien, un comité de soutien qui s'était créé par rapport à une grève de la lutte BMS. Donc, c'est des ouvriers qui travaillent en sous-traitance sur les lieux du chemin de fer. Et on avait exclu deux de leurs délégués. Et du coup, les gars ont fait 4 mois de grève, plus de 120 jours de grève l'année passée. Non, encore l'année d'avant, pendant l'été, 4 mois de grève. Ils ont obtenu la réintégration des deux délégués, mais bon, les dysfonctionnements continuent, donc leur combat n'est pas fini. Et donc, sur base de cette expérience-là, on a recréé un comité de soutien. C'est des gens qui travaillent dans l'enseignement, qui travaillent dans les ALR, dans les administrations locales et régionales, des cheminots qui, en fait, s'organisent intersectoriellement pour ce genre de trucs-là. Donc la riposte s'organise, la solidarité s'organise. Voilà. Eh bien, tant mieux. Et alors, j'avais aussi envie que tu parles, parce que le temps avance, il reste à tout casser un peu moins de 10 minutes, même pas. C'est, j'aimais bien l'anecdote avec ton chien. Ouais. Enfin, j'aimais bien, et je la trouvais complètement dingue. Est-ce que tu peux la raconter ? Parce que, suite évidemment à tout ça, t'es vu vraiment, Jordan, comme un terroriste. Voilà, c'est le mot un peu branché en ce moment, c'est triste à dire, mais puis je te vois, je trouve que t'as vraiment... Enfin, comme s'il y avait un air aussi des terroristes, c'est bête ce que je dis, mais enfin voilà. Donc t'es un terroriste parce que toi et les autres, vous manifestez pour vos droits, pour garder vos droits, pour pas les perdre. Et alors il y avait une anecdote avec ton chien, est-ce que tu peux la raconter ? Ben, moi j'assume, hein, je suis un terroriste de l'amour, un terroriste, un terroriste de l'amour, de la solidarité. Moi je vais combattre avec des armes non violentes, avec la solidarité, pour la solidarité et l'organisation des services publics. Je suis un fanatique de la vie. Moi j'assume ça, je suis fanat de mon combat. Moi je suis fier d'être un travailleur du service public, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je ne suis pas ce que eux veulent dire, c'est-à-dire comme tu dis avec mon chien, pour te dire jusqu'où les préjugés vont, c'est un gros nounours qui fait 60 kilos. Ce chien-là, la seule chose qu'il peut faire, c'est tuer quelqu'un avec sa salive à force de le lécher. Donc il est la mascotte des mouvements sociaux. Il est venu avec moi sur plein de manifestations. Donc ce chien-là est une crème. Et dans son rapport, le huissier dit « Oui, il y avait la présence d'un chien d'environ 70 kilos. On ne connaît pas ce chien, mais il peut être utilisé comme une arme. » Donc voilà le gros préjugé, encore une fois, un gros chien, bah ouais, d'office on utilise le chien comme une arme, alors que pas du tout. Moi je suis en 48 heures de grève, mon chien il m'accompagne partout, mes collègues le connaissent, je vais partout avec ce chien-là. Ce chien est un chien sociabilisé à mort, tout comme son maître, hein, il va pas mordre, il est sociabilisé. Et donc, ouais... Voilà, on peut vraiment t'emmerder, quoi, en fait. Hein. C'est trouver tous les prétextes et utiliser toutes les peurs des gens, pour essayer de nous discréditer, pour essayer de me discréditer. Et ça a été plus loin. Donc j'ai été harcelé, j'ai été auditionné en parallèle. Ils ont trouvé ce prétexte-là pour m'auditionner pendant des heures et des heures au niveau d'Achera. Et ça, il faut le savoir aussi. Hein. J'ai été auditionné sur des éléments complètement loufoques, entre autres aussi le chien, entre autres que ça serait moi personnellement qui harcèlerais mon tableau de service par rapport à des restructurations qui ont lieu. lieu qui s'occupait à indigner mes travailleurs. Et donc, on a attaqué le fait que j'œuvre en tant que délégué syndical, en fait. Ce qui dérange, c'est que je fasse mon travail de délégué. On veut que j'arrête de faire mon travail de contre-pouvoir, en fait. Le pouvoir, à l'heure actuelle, ne veut plus de contestation. Il n'en veut pas de contre-pouvoir. Il veut des gens formatés, qui rentrent dans le moule, des bons moutons qui vont faire fonctionner le système. Et quand tu dis non, j'ai mal, je veux pas travailler comme ça, je veux qu'il y ait un sens à mon travail, je veux avoir plaisir à aller travailler, je veux pas être un bête outil, je veux pas être une marchandise. On te dit ferme ta gueule, je te tape dessus et je te mets 1 700 € d'amende à payer le lendemain. Allez, c'est plus d'un mois de salaire, quoi. Je devais payer en une journée un mois de salaire. On est où là? On est où, franchement? Et ça va continuer, et c'est pour ça qu'on mène le combat, parce qu'on sait que, et l'action, il y a eu un meeting le 18 mars, il y a Marc Goblet qui est venu, il y a mon avocat qui est venu expliquer, il y a les gars de Goodyear, d'ailleurs j'appelle à un gros soutien le 31 mars à la manifestation en France contre la loi sur l'emploi et tout ça en France, on va aller en soutien avec les gens de Goodyear, on va aller les soutenir, eux vont venir nous soutenir le 4 mars aussi, donc il faut s'organiser, il faut se solidariser, et il faut rester positif. En fait, je suis un résistant, on est des résistants, et on est des gros optimistes. En fait, moi, je suis là pour l'optimisme. L'optimisme, un fanatique de l'optimisme, un terroriste de l'optimisme. Donc, il faut rester optimiste, se serrer les coudes, faire qu'un comme les doigts de la main qui forment un point. Voilà, moi, je vais finaliser là-dessus parce que je vais devoir aller boulotter, aller transporter des gens. Voilà, je le fais encore aujourd'hui. J'avais été mis à l'écart pendant tout ça pour n'importe quoi. Et pour finir, je retourne au travail. Donc, c'est bien la preuve que c'est n'importe quoi tout ça. Voilà. Merci à toi, Jordan. Ah, écoute, Graziella, merci à toi. C'était vraiment agréable de la rencontre, là. C'est génial.